Je tente à peine un charronin. Oui, je t'entends, mais bon, bah, pas très fort. Oui, c'est bon, là, j'entends, là, ouais. 1, 2, 3, test. De toute façon, je peux toujours... Hello, Les. Hello. Hello, hello, hello. Alors, ne t'en fais pas, Pépé, je parle dans Second Life, hein, OK? Hello, Les. Hello, Maggie. Alors, je vais brancher ma guitare, OK? Tu vas me donner 3 accords, ou 4. Par ré, do, sol. Va partir sur les trucs simples. Ré. Branche pas dans la cuisinière, ça fait pas le même effet. 1, 2, 3. Oula. Supprime les effets parce que ça fait... Juste un peu de réverb, ça suffit. Allez, Pépé, c'est quoi les accords? Donc je t'ai donné ré, sol, do ou ré, do, sol, pardon. Là, tout est branché comme d'habitude, alors je touche plus rien. C'est quoi les accords? Ré. Faire quelque chose. Ré, do, sol. Ré, do, sol, ouais. Ok. Je te laisse partir bon comme tu le sens. quatre fois. T'as un flanger là qui donne un effet de fou. Enlève le flanger. Something is wrong. Enlève ton flanger, ça fait mien. Qu'est-ce que... Ben non, là, j'ai toujours pareil. Hein. Là, c'est mieux, tu préfères ça? Est-ce que ça te fausse la note, le flanger? Ça va bien sur un solo, mais pas sur un accompagnement. J'ai juste de la reverb, là. Je t'ai dit juste un tout petit peu de reverb, ça suffit. Dès que tu fous du délai avec la latence, ça fout le bordel. Dès que t'as du flanger, alors là c'est encore pire parce que alors là c'est faux. Ça fait un son bizarre, on dirait que c'est faux. Salut Zarbo. Putain. What is wrong? Là? Moi j'entends tout à fait normalement. Tu as un flanger qui est planté derrière, là, en effet. Non, j'enlève tout, là. Alors, après, ma guitare, elle n'a plus aucun truc. Mais non, c'est pas vrai, putain. Voilà, là, c'est tout flat. Alors, pour une strato, franchement, c'est moche. T'es la strato, faut pas l'entendre, elle est caster. Mais j'en sais rien. Et non, j'ai que de la reverb. Là, j'ai tout fermé, sauf le reverb. Si. Tu touches le vibrato, alors. Salutations. Non. Tu touches ton vibrato alors? Non, I have no capo, Maggie. What the fuck? Mais non, j'en ai pas de vibrato. Je vibrato pas. Ouais, je joue avec mon vibrato. Tu fais comme elle. Il n'y a plus que du reverb. Eve, elle était mineure quand elle a vibré le vibrato. Ça donne quoi, là? Vas-y. Hein? Dis-moi. Dis-moi. Ben vas-y, j'entends rien, là. Je t'entends parler, c'est tout. Ah, oui, Eve était mineure. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il me dit lui? Attends, j'arrive même pas à dire, ça défile. Là, tu donnes dans le trash, là, carrément, là. He don't like the sound of my guitar, so I need to check it up. Alors, on se le ben du métallique. Ok, tu l'aurais voulu. Ok, you want me there. Ok, let's see. Alors, guitare, amp, chemical, X. Écoute ça. D'être carré déjà, d'essayer de tenir, un tempo. J'ai plus d'effet, j'ai plus rien, c'est moche. What would you do if I sang off your tune? Will you stand up all out on me? Play me your ear and I'll sing you a song. I will try now to sing out of the key. Oh, baby, I get by. Faut que tu fasses le cœur là. For my friend, c'est quoi les autres? What do you tell for my friend? One, good, will you do if I sang out of tune? Will you stand upon, walk out on me? Find me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, I get by. All I need is my burden. I say I want to get high a while. What do I do when my love is away? How do I feel by the end of the day? I hope it don't say to normal. Il faut être deux pour le chanter, ce truc-là. Normalement, quatre. Merci, Pépé. Bravo. Bravo, tout Pépé. Vous tonne ma gueule, tiens. Alors, attends. Attends, je refais la trois notes. Tu me dis ce qui se passe avec ma guitare, OK? Attends, tu as un effet de ninjam que tu as programmé, non? T'as un effet qui est encore derrière. C'est pas possible. T'as exactement comme si tu avais un flanger, c'est-à-dire ton son fait... comme un... Ton son fait ça. Joue une note seule, une note. J'ai commencé dessus. Non, il n'y a pas d'effet sur guitare, non. Non, sur ma guitare en répar, il n'y a pas d'effet. Bon, c'est toi qui lâches la pression des doigts, alors. Je vois que c'est explication, hein. Ah oui, même sur une note, tu vois, ça fait... Je bouge pas, hein, je suis coincé sur ma corde. Ah oui, t'as toujours un truc derrière. C'est ma gerbe. Alors, attends. Zarbo, il... Attends, rejoue, Zarbo, on va voir s'il entend. Ouais, non, mais pas quand tu la répètes, ça s'entend pas, mais c'est quand tu la tiens. Là, ça va mieux, on dirait. Bon, là, il n'y a plus rien, j'ai tout enlevé les effets.